Oh Seigneur, Seigneur, ce temps qui passe sans jamais s'arrêter pourra-t-il un jour se figer? Le passé qui n'est plus, jamais ne reviendra et laisse dans le cœur des hommes beaucoup trop de gré, tel un soleil noir pour toujours éclairer nos pauvres âmes déjà mortes bien avant le jour dernier de notre fuite dans le temps ennemi. Même le présent échappe et court sans cesse en vain vers un avenir déjà là, irréversiblement, fatalement tendu vers ce qui est déjà plus pour nous échapper encore et encore. Le temps passé jamais ne reviendra et l'homme toujours soupira dans des arpes de remords et des regrets comme une âme égarée. Du temps qui passe, qui ne revient jamais. Il faut que l'homme apprenne à vivre dans le moment. Cueillir le jour ou cueillir l'amour. Combattre encore et encore la fuite du temps. Ne pas baisser la tête et continuer ses efforts. La fuite du temps. Combattre encore et encore la fuite du temps. Ne pas baisser la tête et continuer ses efforts. La fuite du temps. Combattre encore et encore la fuite du temps. Le temps s'en va et je demeure un instant. Oui, un jour dans un écoulement incessant qui m'invite à vivre le moment. Un jour de chaque instant qui passe, car l'horloge du temps reflète ma condition humaine et tragique et saine à chaque seconde pour me crier vie, vie, vie, puisque tu vas mourir bientôt. L'image du temps qui est fatalement passe et que l'homme qui trépasse nous rappelle à notre mortelle condition. Il nous vampirise, nous mange et devient notre pire ennemi. Du temps offert par la vie, nous n'avons que le présent et qu'il nous faut pas manquer et qui de notre plus grande sagesse doit être honoré à chaque instant qui passe, telles les saisons, car l'enfant est comme le printemps, la jeunesse comme l'été, l'automne comme la maturité, l'automne, l'hiver comme la vieillesse, yes. Oui, celle qui préfigurant dans notre mort certaine. Ouais, man. Combattre encore et encore la fuite du temps. Ne pas baisser la tête et continuer ses efforts. La fuite du temps. Combattre encore et encore la fuite du temps. Ne pas baisser la tête et continuer ses efforts. La fuite du temps. Combattre encore et encore, c'est toujours ça qu'il faut faire. Car un jour, on sait pas, la vie est faite un jour de plaisir et d'ennui. Mais on n'en a rien à faire, car chaque seconde qui passe, c'est pour trimer sur cette putain de terre qui est l'enfer. Mais faut prendre l'un instant, combattre le temps, et faut prendre du bonheur, car un jour, qui sait. Car un jour, qui sait.